Toujours à l'occasion de la journée de la brillante étoile, les représentants diplomatiques et des institutions internationales et les attachés militaires en Corée, les participants au service de décernement du prix international Kim Jong-il, les participants au 21e floralie de Kim Jong-ilien, les groupes de félicitations des Coréens au Japon et en Chine pour célébrer la journée de la brillante étoile, les familles des Coréens d'outre-mer ayant rapport avec le général Kim Jong-il et autres hôtes étrangers et compatriotes d'outre-mer ont visité le 16 février le palais du soleil de Kumsusan pour rendre hommage au général Kim Jong-il. Ce jour-là, le représentant de la succursale de Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste et ses collaborateurs ont visité également le palais du soleil de Kumsusan.